Tu prends encore du poulet à la cantine? Oui, j'adore le poulet, surtout avec des olives. Moi, je prends une salade de tomates. Je n'aime pas la viande. Je suis végétarienne.